verront sauter, stock vidé, base ouverte, pas de mystère. Verront sauter, stock vidé, base ouverte, pas de mystère. Mode pillage activé, reader skill dans ton secteur, pas besoin d'annoncer, le sol vibre, t'as compris. Clique le code, saute, coffre après coffre, je récupère tout, et toi t'observes. Mode pillage activé, c'est pas perso, c'est le système, c'est la loi, celle du dominant. Je suis pas pressé, j'avance au BPM, chaque pas une onde, chaque onde une peur, chaque peur une fuite. C'est pas du rap, c'est pas du chant, c'est le sol qui casse sous le poids du vrai. Je passe, je prends, je livre, je lutte, je quête, je brûle, je plante, je vire, je cite ce monde. Je prends, je livre, je lutte, je quête, je brûle, je plante, je vire, je cite ce monde. Je passe, je prends, je livre, je lourd, je prends, je brûle, je marque, je plante, je vire, je cite ce monde. Riddle skill. Mais j'en suis la cause, pas l'effet qu'engendre le système se plie. Tu l'as mise, mais j'en suis la cause, pas l'effet qu'engendre les systèmes se plient. Tu l'as mise, mais j'en suis la cause, pas l'effet qu'engendre les systèmes se plient. Tu l'as mise, mais j'en suis la cause, pas l'effet qu'engendre les systèmes se plient. Tu l'as mise, mais j'en suis la cause, pas l'effet qu'engendre les systèmes se plient. Mode pillage activé.